et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millénial. La la la la la la la la la la la la la la. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça? Ça a fait bugger le truc. Quoi, j'ai fait bugger quoi? Ça a saturé. Ça a saturé, du coup on a pas entendu. Oh la vache. Oh bah ceux qui écoutent l'épisode entendront. Je suis Krushkov. Et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast le plus anniversarique de la galaxie. T'as fait aucun effort. Le plus woke, c'est The Force Awakens, le plus woke de la galaxie, ça marche, évidemment. Ça joue. Du coup, je suis Krushkov, le capitaine, et je suis avec mes deux bébous, mes petits bidous, qui l'un d'entre eux n'était pas né quand le film est sorti. Adrien et Maddy, du coup, qui n'étaient pas nés, c'est ça? Bonsoir. Non, je n'étais pas majeur, c'est la salle. T'as dit que... oui, on se retrouve aujourd'hui pour un commentaire audio pour fêter les 10 ans déjà de The Force Awakens. Avec après, évidemment, je ne sais pas quel sera l'ordre de sortie, mais aussi un petit podcast où on fera un retour plus normal, plus podcastique sur l'épisode. Mais je me suis dit, c'est parfait, c'est l'occasion. 10 ans de Force Awakens, de réveil de la Force, évidemment, pour... pratiquement tout le monde qui nous écoute, parce que vous êtes tous français, parce que c'est un podcast francophone. Donc, Adrien, est-ce que tu veux parler un peu des spécificités de la version sur laquelle on la regarde? Techniquement, on ne regarde pas tous sur la même version, mais si, quand même. Alors, déjà, peut-être présentons un peu le projet aux auditeurs, si tu veux bien, Krushkov. On vous propose aujourd'hui un commentaire audio, c'est-à-dire qu'on va... Je ne l'ai pas dit. Lancer... Je crois pas dans ces termes. On va, pardon. Ou alors j'écoutais pas. on va donc regarder Star Wars épisode 7, The Force Awakens, ensemble. C'est-à-dire qu'on va tous se synchroniser en mettant play et on va donc regarder le film chez nous. Et le but étant que vous le regardiez chez vous en même temps que nous pour écouter ce qu'on a à dire sur le film. Ce sera comme si vous avez des amis. Voilà, on va essayer de faire quelques anecdotes. On va essayer de parler un peu de nos ressentis sur le film, ou alors juste faire des blagues, ou tout simplement kiffer. Voilà, donc on va faire un décompte. Oui. Alors attendez, juste avant, je voulais vous poser la question, même si je sais pour l'un d'entre vous, c'était quand la dernière fois que vous avez vu ce film? Oh. Maddy, il me semble que tu as dit que c'était le 4 mai, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc cette année, Maddy l'a vu. C'est très frais. Oh. Moi, c'était l'année dernière, quand on a fait un binge de des épisodes 7, 8, 9 avec les enfants. C'était leur découverte des épisodes 7, 8, 9. C'était l'année dernière. Je ne me souviens plus quand exactement, mais voilà, ils les ont vus l'année dernière. Et du coup, Adrien, toi? Eh ben moi, je suis assez ému parce que je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas revu en entier depuis la sortie de l'épisode 9. Oh, c'était il y a 20 ans déjà. Donc c'était il y a 6 ans. Oh la vache. Déjà. Et quand je vous dis que l'épisode 9 m'a vraiment tué, ça, c'est une des raisons que j'avais en direct. Et en fait, j'ai pas regardé de film Star Wars depuis, à part le 1 et le 2, je crois. Avec ma chérie notamment. Mais c'est vrai que non, j'ai pas regardé l'épisode 7 depuis maintenant 6 ans. Bah, bonne redécouverte du coup. Voilà, bah, merci beaucoup. Je te laisse continuer la présentation et l'introduction. Yes, alors, du coup, on va faire un décompte, on va faire 3, 2, 1, top, et donc au top, alors, tout d'abord, vous vous mettez à 0, vous lancez votre film, vous allez à... au tout début du film, vous faites bien attention à venir vraiment au tout début du film, vraiment en reculant, puisque quand vous lancez le film, forcément, il y a quelques secondes qui vont s'écouler. Donc, vous revenez au tout début, vous mettez pause. Voilà. Donc là, vous avez normalement un écran noir. Et donc, on va faire 3, 2, 1, top, et on va donc mettre play, tout simplement, au top, pour regarder le film et se synchroniser tous ensemble. Est-ce que Grushkov m'a dit, vous êtes prêt? Oui. Non. C'est pas grave, on attend. Désolé, je vérifiais plus juste que ça enregistrait toujours correctement. Oui, yes. Je suis prêt maintenant. Très bien, pas de problème. Il a fallu que je... Parce que là, mon setup, c'est que je suis sur mon canapé. Du coup, mon ordinateur est derrière moi et j'ai pas accès. L'écran s'éteint en fait de temps en temps, même si ça tourne toujours. Mais je voulais quand même vérifier. Yes. Alors, on regarde le film sur 3 versions différentes. C'est-à-dire que Grushkov regarde le film depuis son... depuis son DVD, c'est ça, son Blu-ray ? Blu-ray, oui. Blu-ray. M'a dit Blu-ray. Tu regardes depuis ton ordinateur en dématérialisé. Et moi, je vais le regarder depuis Disney+. On a fait des essais. Peu importe la version que vous allez voir, on devrait mettre play au même moment. Ça va pas trop décaler, a priori. Donc, comme ça, c'est parfait. On arrivera tous à être calés. Merci, Adrien. Mais, Grushkov, je t'en prie, c'est un plaisir, t'imagines bien. Je sais, c'est toujours un plaisir. Bien entendu, lorsque vous lancerez chez vous le film, si vous souhaitez mettre pause à un moment donné, mettez pause aussi à notre podcast, histoire de, histoire de bien être synchronisé tout du long, parce que sinon, ça risquerait d'être compliqué pour nous suivre. Alors oui, mais je pense que n'importe qui pourra te dire qu'il n'y a rien de plus important que de continuer à regarder et nous écouter en même temps. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Pas besoin de mettre sur pause en fait. N'écoutez pas ce qu'il dit. Pause. Vraiment, c'est, il n'y a pas de problème. Est-ce que Maddy et Grushkov, vous êtes ready? Oui. Yes. Alors, on va donc faire 3, 2, 1, top. Au top, on clique sur play. Oui. 3... 2, 1, top! Donc là, on a le logo de Lucasfilm, normalement. Il a mis une ou deux secondes avant de se lancer, ce con. C'est vrai? On recommence? Il a chargé. Non, t'inquiète. J'ai pas précisé, mais on regarde le film dans sa version originale. Voilà, donc n'ayez pas peur si on utilise des termes en anglais. De toute façon, maintenant que vous avez l'habitude, si vous êtes auditeuriste du podcast Faucon Millennial, le premier podcast de gauche de Star Wars. Le premier. Tiens, dis-moi juste, quelle est la seconde à laquelle tu es là? Alors, c'est difficile sur Disney Plus de voir la seconde exacte. Oh, pardon. Mais là, attends. La ligne « With the support of the Republic, General Leia Organa » leads a brave resistance. She is desperate to find her brother Luke and gain his help in restoring peace and justice to the galaxy. Ok, premier hot take. J'aime bien ce crawl. Moi aussi. Alors, je trouve qu'il est classique. Il est très bien. Ça va. Moi, je sais que vraiment je me revois au cinéma, j'étais avec mon meilleur pote d'enfance Robin devant ce film. Au fait, on est synchronisé, Grushkov, c'est bon, hein? Oui. Ouais, t'as pas eu besoin de... C'est bon. Moi, je suis toujours sur le crawl. Parfait, très bien, pareil. Et du coup, au cinéma, vraiment, quand la musique Star Wars s'est lancée, pour le premier visionnage que j'ai eu du film, mais j'étais transporté, je vivais quelque chose d'important, quoi. Le retour de Star Wars au cinéma, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vis ça où je suis. Pardon. Non, je t'en prie. T'as dit, on dira des anecdotes. Saviez-vous, le film devait s'ouvrir sur la main gelée de Luke dans l'espace? C'était une rumeur pendant très longtemps avant la sortie du film et ça a été confirmé des années plus tard. Eh ben, heureusement qu'on a cette intro-là, c'est tellement mieux. C'est nul à chier. Ah ouais, c'est nul à chier. C'était nul à chier et je suis très content de cette intro. Enfin, je sais pas vous, mais j'aime bien. Ah oui, non, c'est pas bien comme idée. Aussi, vraiment, même 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est toujours toujours beau. Les effets spéciaux Star Wars, comparés à d'autres trucs contemporains, ils sont tellement solides. Bah, il y a ILM ouais. derrière. Hein. Ah ouais, mais ILM, ils sont derrière d'autres trucs. Et, oui, mais... Mais je pense qu'il s'applique pas pareil pour Star Wars et d'autres projets. Oh, c'est le plus beau bébou. J'adore ce personnage, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai tatoué sur mon bras, d'ailleurs. Oh, j'avais oublié. D'ailleurs, dans le crawl, il y a un truc très important que tout le monde oublie tout le temps. C'est quelqu'un a découvert un indice sur l'endroit où est Luke. Ça dit pas que Luke a laissé une carte vers lui derrière. C'est une critique qui est tout le temps mise contre ce film qui n'a aucun sens parce que c'est pas ce que le film dit. Le film dit pas Luke a laissé une carte pour qu'on le retrouve. Ouais, juste quelqu'un pas, ouais. a trouvé la trace de ce que Luke a fait. C'est deux choses complètement différentes. Ouais, ça n'a rien à voir. c'est trop con. Qu'est-ce qu'il est beau, Oscar? Ah ouais, il aurait été tellement plus beau s'il avait sa barbe. S'il était... Ouais, mais il est bien là. Il est bien là aussi, mais il est tellement plus sexy. Il s'est bonifié avec l'âge, Oscar Isaac. Ouais. Mais, et encore, il n'a même pas vraiment vieilli, à part la barbe qui devient un peu grise maintenant, mais... Comment ça, de la gueule, les vaisseaux qui se posent et tout vole autour et tout, c'est vraiment trop beau, quoi. Et les plans prennent leur temps à chaque fois. Et tu vois qu'ils étaient fiers d'avoir fait des sets là. Ils prennent le temps de te montrer les trucs. C'est pas que toutes les 10 secondes. Toutes les secondes, je veux dire. Un petit bonhomme. Comme on disait, hein, on le dit tout le temps, mais les droïdes, c'est vraiment un truc qu'ils ne ratent jamais. Non, ouais, ils n'ont pas fait un seul qui était mauvais. Même Deo dans ouais. Rise of Skywalker, ouais. C'est un point il est pas assez servi, mais en tant ouais, que mais tel... Mais c'est un bébou. Et choupinou. Dans Moed Kanan, il est adopté par BB-8 et CB-23. D'ailleurs, vous savez ce que je trouvais intéressant avec cette séquence d'intro? T'as raison, Adrien. c'est qu'on a un peu l'inverse. Il y a beaucoup de comparaisons entre ce film et l'épisode 4, évidemment. Mais là, on a beaucoup de show don't tell. Par exemple, dans l'épisode 4, on nous dit « Oh là là, les Stormtroopers, c'est des méchants, ils tuent ». Là, on te montre que, ouais, ils sont ultra violents, ils tuent les gens, il est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, on voit pas... Ouais. On a Obi-Wan dans l'original qui explique, oui, voilà, les Stormtroopers, machin truc. Et hop, là on t'en humanise un. Avec ouais. un simple geste. Avec le sang, quoi, littéralement, le truc le plus humain de possible, quoi. La mort, le sang, la peur, quoi. C'est trop bien. Alors, moi, je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai pensé à Simba. Ah bah oui, mais c'est normal. Non, mais c'est le même procédé, m'a dit. C'est l'élu, tu vois. L'élu qui est choisi, qui est différent des autres. Mais c'est pas un truc mauvais, hein, forcément. C'est le... C'est... Narrativement parlant, ça a du sens. Oh, John Williams. Oh, mais il régale, hein. Le goût. Le maestro. J'adore le... J'adore le... Ah, j'aime trop ça. Tue le vieux. Look how old you've become. C'est trop bien. Ce petit con, là. Max von Sydow, il est incroyable. Il a un rôle minuscule, ouais. mais il est tellement fort. Ouais, ouais, ouais. Vous pensez que... Au revoir, Max. Que Lorsa Tekka, il savait que Kylo Ren le tuerait? Oui. Oui. Ouais. Oui, 2000%. Oui, oui. Il a l'air un peu étonné. Regardez-moi quand ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est tellement cool. Mais non, parce que c'est pas Vador. Ils seraient tellement potes s'ils étaient dans le même camp, ces deux-là. Deux petits cons comme ça. Bonjour, madame. C'est quand même marrant la différence entre la trio originale et maintenant, c'est que t'avais Boba Fett, il venait, il faisait rien, il était là, il posait, c'était ok. Phasma, les gens trouvaient qu'elle faisait rien. Bah ouais, ok, mais enfin en même temps, c'est un truc dans Star Wars, quoi, les poseurs, justement. Justement, on en a parlé. Ouais. Alors, et là, le release. Moi, j'étais très déçu qu'elle n'ait pas plus d'importance que ça, oui. Parce que j'adore Gwendoline Christie. Mais pareil, oui, c'est ça. Mais en fait. Je pense que justement, il y a beaucoup de trucs où c'est surtout parce que les gens savent qui c'est. Si ouais. C'était juste un Stormtrooper comme ça, qu'il n'y avait pas eu de teasing dans la promo, peut-être que ça serait différent. Ouais, parce que c'est vrai que, alors putain, pour l'avoir vu en vrai à la Celebration, c'est vraiment une des personnes les plus charismatiques que j'ai pu voir sur scène de toute ma vie, je pense, Gwendoline Christie. Hein. Mais quand elle parle, mais putain, moi j'aurais pu l'écouter 10 heures sans rien faire d'autre, hein, sans problème. Moi j'aime bien les tenues updatées des Stormtroopers. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Hein, mais j'aime beaucoup l'esthétique de Premier Ordre. Plus aussi, que celle de l'Empire de base. Ouais, pareil. C'est vraiment pareil. L'Empire pour les Millennials, je trouve. Ouais. C'est ça, oui. Ah, il était si jeune. Il joue bien quand même. Hein. Ah bah ça, très, j'ai jamais bien. Été en doute hein, pour moi. Ouais, il joue très très bien. Tout du long ouais. Des trois. Hein. Ouais, dans les trois films. Ok, la meilleure séquence de Star Wars. <C'est> une des meilleures. En tout cas, avec l'une des meilleures musiques ever. Hein. Ah ouais, clairement, le thème de Rey. C'est vraiment le moment. Pas là, mais dans quelques secondes. C'est le moment où oh j'ai putain, dit... je viens de me rendre compte d'un truc. C'est le meilleur film de tous les temps. non, j'ai adoré ce film. Oui ? La pièce qu'elle ramasse, ouais. C'est la pièce... Enfin, c'est une des pièces qu'il y a sur son sabre laser à la fin. Oh putain ! Ah ouais, spécifiquement ? Ouais, ouais, ouais, la forme... J'ai... Parce que je l'ai. Le sabre laser. Ah putain, ouais. C'est la même pièce qu'il y a là sur le manche. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais t'as raison. Là, tu le vois bien sur le manche. Tu vois, quand on parlait en off du fait que l'épisode 9, ce qui lui manque aussi beaucoup, c'est les trucs iconiques. C'est ça, regarde les plans. Là, c'est là. Oh là là. La musique, là. Les des vallées la dune. Je fais... It's gonna be peak. It's already worth the price. Et son magnum, là, en speeder. Le speeder magnum. Ah, j'ai des larmes aux yeux, putain. Tellement de nostalgie, déjà. C'est fou. Ouais. Ça fait que 10 ans. Que 10 ans, entre guillemets. Non, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est bah ouais. Oh, putain. Même ça, mais regarde-moi cet oiseau, il est trop stylé. Qui bouffe de l'acier, là. Ouais, c'est trop cool, quoi, putain. Puis c'est une pupette, quoi, c'est pas de la CGI de... Mais ouais. She's a working girl. Les boots. Elle a envie de, d'interagir avec tout le monde. Et j'ai l'impression qu'elle se sent très seule. Ah bah, c'est sûr. Mais par rapport à la vieille, surtout, elle avait envie de lui parler, mais tu vois, elle s'est retenue. Les boots. Simon Pegg. Ouais. Imagine, tu penses pas que Ray, c'est la goutte. Une des meilleures, perso. Hein. Oh là là. Fait pousser du piment, putain. Et par contre, elle est pas très forte pour compter comme ouais. Ça, parce que, putain. Elle se lave pas les mains, par contre, avant de faire ça, et je trouve ça un peu crado, mais... Bienvenue dans le désert. Elle doit pas beaucoup se laver aussi, hein. Ah, mais on en avait parlé, ça avait plus, hein. On avait ouais, fait... Ouais, chlingue. On en avait fait ah oui, on avait dit qu'elle pue, oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'académiquement, elle pue, hein, vraiment. Ils se sont fait chier à faire ce pain-là en practical, quand même. Hein. Ça a l'air trop dégueu, son truc. Hein. Je pense que c'est pas très bon, ouais. C'est des rations bon, militaires. J'en parlais un coup avec mon frère, la bouffe dans Star Wars, ça doit être... Ah, je sais pas. Comment Outlaws, ça a l'air d'être pas mal quand même, les petits plats qu'il y a. Ça dépend desquels. Ah, j'ai pas joué au jeu, donc. Ça dépend desquels, ouais, je me rappelle plus. Ouais. Il y en a un, c'est carrément ça t'explose la tête tellement c'est pimenté. Oh là. Elle a dit Zatanna. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Vraiment, moi qui vire les témoins de Jéhovah de la fac l'autre jour, quoi. Vraiment. Vraiment, littéralement pareil, quoi. Cassez-vous. On a le droit d'être là. Je m'en fous, cassez-vous. Ok. Peut-être un peu trop méta, cette... Mais il peut pas s'y noyer, c'est un droïde. Pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il ira dedans. Il est coincé. Ouais. J'aime trop aussi que BB-8, ça soit du practical. Mm-hmm. Et après, quand ils le font en CG, et ben, c'est assez bien fait que tu te rends pas compte. Mm. Écoute, il faut un bon mélange. Je trouve que c'est pareil un peu avec les bébés Yoda et tout. Pardon. Oupsie. Est-ce que le marionnettiste de BB-8, il avait pas dit que ça avait été super chiant de le faire rouler dans le sable? Ouais, ils ont galéré. Putain, mais ils lui ont fait faire la même chose dans Dune, en fait. Oui. Mais tout nu. Je me rappelle quand le film est sorti, le seul film d'Oscar Isaac que j'avais vu, c'était Ex Machina. Moi aussi, ouais. Et c'est pas du tout la même vibe non. de perso. Non, rien à voir. Je l'ai vu après, moi, Ex Machina. Oh, mes boots. No, they won't. She's so cute. Vraiment une tête de bébé, hein. Ouais. Ouais. Allez. C'est là que ça commence. Est-ce que vous pensez que Finn, il a hésité longtemps avant d'aller... Bonne question. Hésiter, ça dépend. De décider d'y aller, non. D'arriver à y aller, peut-être. à s'enfuir, je veux dire. C'est vraiment un bon duo, hein. Putain. Ah ouais. Ah ouais, ça marche trop. Hein. Mon OTP. Les gros nazes, quoi. Ils ont mis dans le ventilateur. Ils sont trop cons. J'adore quand il dit. Ouais. C'est comme s'il partait... À vélo, mais avec la chaîne. Ouais, ou de la station-service, mais avec la pompe ouais. dans le réservoir. C'est vrai que c'est un peu marrant que Phil, il n'hésite pas une seconde avant de commencer à tirer ouais. sur tous ces gens. Ouais. Sur ses collègues. Il n'a rien à foutre. En fait, il est en mode, c'est des fachos, j'en ai rien à foutre. Ouais, je pense s'ils n'ont pas ça, été ouais. convaincus avant, ils ne seront jamais convaincus. Mais c'est pour ça que Je comprends l'intérêt d'un personnage comme Janna dans l'épisode 9. Moi, je dirais... Ouais, bon, je pense que c'est une bonne idée. Que c'est surtout « Don't think about it, it ain't that kind of movie, kid. » Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile quand t'as des trucs comme Andor, qui sont un peu moins dans la lignée des films, qui prennent plus le temps de poser les choses... de réfléchir. Les gens, après, ils pensent que il faut faire ça avec tout. C'est pas le cas, là. Ouais. C'est juste un good guy maintenant et il tire sur les bad guys. J'oublie toujours à quel point Domo Gleeson il est grand aussi. Mais il a pas l'air grand à cause des autres à côté, mais. Bah, il fait la même taille que Adam Driver. Ah, il peut faire 1m90 ou un truc comme ça. C'est des big boys. Il est trop trop beau aussi, Adam Gleeson, vraiment, je trouve. Trop BG. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il est trop fort, c'est qu'il arrive à jouer un personnage sérieux et à être hyper drôle ouais. en même temps. Ouais, c'est vrai. Il le joue 100% sérieux. Ouais. Tu vois, par exemple, Passana, c'est sympa, mais ça aurait été tellement plus pertinent que ce soit qu'il retourne sur Jakku dans l'épisode 9. Ça a beaucoup plus de sens. C'est tellement... Avoir tout ce qui se passe sur Passana, mais sur Jakku, ça aurait été tellement un beau... Circle. It rhymes. Mais oui, oui, oui, ouais, oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est important. George Lucas, il l'a dit. Et je trouve que c'est important pour la saga principale. Mm. Et d'ailleurs, je parlais d'Andor juste avant. Ils le font beaucoup, ça, des rimes dans Andor en soi. Ça doit être tellement inconfortable, l'armure de Stormtrooper. Ouais. Et même dans la trilogie originale, tu voyais bien que niveau c'était probablement pire. Restriction de mouvement. Ouais. Tu vois, même là tu vois, il y avait déjà les sables mouvants comme ça. Et après, il le remet sur Passana. Du coup, c'est quel est l'intérêt d'avoir deux planètes qui sont basiquement la même chose, tu vois? Oui, c'est vrai que c'est pas... Que revenir sur Jakku, ça aurait été tellement bien. Et puis, voir d'autres cultures de Jakku. Ouais. Bah oui, exactement, ça pouvait être un autre coin de Jakku, absolument. Ouais, complètement. D'ailleurs, dans la novélisation, on voit d'autres trucs de Jakku, parce que dans la novélisation de l'épisode 7, on a tout le point de vue de Po aussi. Après le crash. Il doit être trop dans le bad, quoi. Vraiment, il y a un mec qui vient lui dire « Ok, bah tiens, je te donne ton prénom et je suis amoureux de toi. » Et lui, il le perd 3 secondes après, quoi. Et il le garde, en plus. Il est obligé de porter sa veste de boyfriend. Ouais, c'est ça. Il y a son odeur encore dessus. Il l'a renifle. Je croyais qu'on avait une connexion. Il renifle les dessous de bras à l'intérieur de la veste, tu sais. Non, mais c'est pareil, là, il est en plein cagnard et il est tout en noir. Là. Ouais, il doit ouais c'est vrai. Crever. Piteous boys. Oh, sexy, le con, putain. Les deux, là. Tu vois, un truc, justement, qui est un peu plus... que j'aime un peu plus dans le 9 que dans celui-là, c'est les mouvements de doigts de Kylo à la Han. Je pense que ça aurait été sympa d'en avoir un peu aussi dans celui-là. Avoir des manières. Des petits mimiques, ouais. Mimiques de papa. C'est limite un peu trop clean. Après, on peut se dire que c'est parce que justement, il se contrôle un max. Ouais, et que c'est plus forcément le cas plus tard. C'est vrai. Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Oh, l'eau de merde, là. C'est genre 90% de la bave et puis. Un peu. Regarde-moi cette horreur. J'attends qu'on le kick direct et elle mord l'autre. Oh là là. Vraiment le feral. Le cul de la créature, là. Je pense qu'elle serait capable de se battre. C'est tellement Star Wars, les créatures dégueu. Ouais, c'est vrai. Eh, mais attends une seconde. C'est le droïde de mon boyfriend. Imagine, tu la vois botter des culs comme ça, elle se met à courir. Elle me fait trop rire, vraiment. Elle hésite pas une seconde. Death stare. Ah, moi, je me chierais dessus à sa place. Ah, bah ouais. Film d'horreur. Elle est rapide, hein. C'est vrai que j'ai oublié qu'il se faisait taser par, par Pépé 8. Ça, c'est un truc que j'adore avec Bébé 8 aussi, c'est que même s'il parle pas, il est hyper expressif. Ah ouais, ouais, extrêmement. Il a ADHD, il est constamment en train de bouger. Ouais. Vraiment, tu enfin, les mouvements de tête, là, ça marche trop bien, moi, pour lui. Je me demande à quel point il aurait été iconique si R2 et C3PO n'avaient pas été dans la trilogie, ou très très peu. J'ai l'impression qu'il a été un peu oublié maintenant, bébé. Oh, je sais pas. Ah, je trouve pas. Ouais, je pense pas. Bah, par rapport à R2 et C3PO. Ah, bah oui. Moi, je vais te dire par rapport à Grogu qui est arrivé juste après, en fait. Hein. Et qui a peut-être. Oui, par rapport à Grogu, mais Grogu, c'est pas un droïde. Non, non, je sais bien, mais. Oui, c'est un truc mignon. C'est un truc mignon qui qui roule. qui oui. Ah, j'aime trop cette séquence. Ouais, c'est trop bien. Ouais, que tout à l'heure, tu nous disais que il sait pas monter ses films, JJ. Ça dépend des moments. Hein. Ça dépend des moments, mais... Justement, pour moi, là, toute la première demi-heure, là, c'est... C'est un peu comme la première demi-heure de La Revanche des Sith et la première demi-heure du Retour des Jedi. C'est vraiment peak Star Wars. Ouais. Alors, c'est de l'aventure. C'est cool. C'est bien rythmé. Il est mort. C'est là que ça commence, en fait. C'est là qu'il commence à être en mode ré tout le temps, en fait. Et en mode est-ce que ça va ? Alors qu'il vient d'exploser. Garbage. Ça c'est. Ah, elle était. Cette vanne, elle m'a. Mais ouais, c'est trop marrant, c'est trop drôle. The garbage we do. Do. Et puis avec son accent en plus, c'est trop bien, ça rend trop bien. Ah ouais, j'adore comment elle parle. Oui. Petit bonhomme. Vraiment, the garbage we do, c'est vraiment genre le... L'une des expressions, l'une des, pardon, des reaction pics que j'utilise le plus. C'est le. Alors, même si je trouve qu'elle fait un taf de malade avec Rey, le fait que ça soit une Richou désirée de lait, je pense qu'on aurait pu avoir une Rey encore plus crasseuse avec. C'est vrai, pas forcément, pas forcément avec, avec les, tu sais, Hollywood. Mais tiens, je pense que par exemple, Jodie Comer, elle a un accent qui fait moins poche. Ouais. Pour avoir quelqu'un qui est dans le même age range. Regardez une petite British. Mais, C'était important que la Jedi de la trilogie ait un accent british, je pense. Parce que jusqu'alors, c'était quand même les méchants, les British, quoi. C'est bizarre. Ewan. C'est marrant. Oui, c'est vrai, Ewan, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, mais il venait de Coruscant. Eh oui, ouais. Non, techniquement, il vient de Stu Jones, je sais. Calmez-vous. actually. Il y a Liam Neeson aussi qui a son. Eh oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Il est. Bon, c'est plutôt accent Gungan, mon petit Gungan. C'est vraiment. J'adore ce truc avec les câbles là. Ouais. Si elle est belle cette séquence, putain. Ouais, et tiens, encore un truc de comparaison avec, dans sa réelle. Il y a aussi une bonne séquence de course-poursuite dans l'épisode 9, mais c'est trop court, par exemple. Avec le faucon au tout début. Au tout début, elle est trop bien cette scène. Et c'est trop court, alors que là, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est là, juste assez long. Ouais. Il est vraiment bien calibré, en fait, ce film. Et c'est vrai qu'au début même du 9, je trouve que toute la scène du début marche vraiment bien. Même le moment où Chewie, il joue aux échecs avec Poe et Finn. Je trouve que ça marche vraiment bien. Mais ça va trop vite. On prend pas assez de temps, mais ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ah, ça, ce moment-là. Oh là là. Ouais, le drift. Quel bonheur. Imagine, tu vois le drift là du faucon et tu t'as pas un nerdgasme. Trop stylé. Ouais, c'est pas Anne qui le fait. Ok, d'accord. En plus, elle est trop intelligente. Et elle repart. Oh là là là. Et boum, en plus, elle répare le truc. Vraiment la goat. C'est vrai que Rey est quand même très intelligent par rapport aux autres personnages qu'on a eus jusqu'à présent. Ah, c'est trop marrant parce qu'aujourd'hui même, mon petit il disait que Luke, il était stupide. Ouais. Ah, Luke, il est complètement coincé. Ils sont trop mignons. Même Anne, hein, il est malin, mais un peu con quand même aussi. Anakin, n'en parlons pas. Ouais, Anakin, c'est le pire. Hein. C'est vraiment le joke stupide. Hein. Et Padmé, j'en parlerai dans un épisode spécial bientôt. Ah bah, en même temps, c'est une centriste. Hein. Bah non, pas vraiment. Mais. Oh. Quand même. Bah, mais c'est celle qui pense qu'on peut changer les choses. Bah, c'est celle qui pense qu'on peut changer les choses par les urnes, tu vois. C'est une des fondatrices de l'Alliance Rebelle, qu'est-ce que vous racontez? Ouais, bon. Dans les scènes coupées, justement, voilà. On en parlera. Ouais. Mais c'est une scène coupée. Voilà. Oui. Ah, j'aime trop. Je sais pas. Ah, j'aime tous les personnages de ce film. Il n'y a pas un seul qui est pas que j'adore pas. Comment il est vraiment en mode incel. C'est quoi, à la fin, il me flingue. Anything else? Et c'est marrant, il parle pas du tout de la même manière quand il a le dans le casque et quand il a pas le casque. Ouais. Ouais, ouais, il a vraiment sa persona. Non, mais les clés à molette, ça devrait pas exister dans Star Wars. Oh, allez vous faire foutre. C'est même pas vrai, en plus, ils en utilisent dans la trilogie originale. Ah ouais, mais attends. Vous vous rappelez pas qu'il y avait... Bah, c'était... C'était... Merde, comment il s'appelle, là, l'autre con. Il s'était plaint qu'il y avait une vis cruciforme sur le... Star Wars de merde, Star Wars Theory, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Une brique aussi, évidemment. Ah, j'adore. Ah, ils sont trop... Oh. Alors, cette scène où Rey pointe un truc en disant « Non, donne ça, donne ça, donne ça !» Vraiment, mais pour avoir eu un frère ADHD, vraiment, mais c'est accurate, quoi. Ah bah, vraiment, tu pointes du doigt et la personne ne voit pas. Moi et mes enfants. Bah voilà. You know. Mais oui, je trouve qu'un truc qu'ils font beaucoup aussi dans ce film-là, qui n'est pas vraiment dans les... En tout cas, qui n'y avait pas dans la prélogie, par exemple, c'est un peu les ancrer dans des situations qui sont très réalistes. Et ils ont vraiment une alchimie, les personnages, comme s'ils avaient été potes depuis des années. Ouais. Et ça marche parce qu'ils sont jeunes, je pense. Oui, beaucoup, oui, oui. Ils connaissent rien de la vie, l'un ou l'autre. Hein. Ils n'ont pas le Han, par exemple, qu'il y avait dans la trilogie originale, qui est un peu plus vieux et tout. Ouais, complètement. Luke, il était littéralement entouré de personnes qui étaient soit plus vieux que lui, soit beaucoup plus intelligents que lui. Soit les deux. C'est ça. Ah, c'est vrai, putain. Alors que là, vraiment, c'est tous les... Enfin, Rey, elle est intelligente, on a dit, mais... c'est pas un gap comme Leia et le reste du crew dans l'épisode 4, par exemple. Du coup, ça passe mieux. C'est vrai que Leia, elle va tellement en avoir à le cul traîner avec que ça ouais. Le deuxième plus intelligent du crew, c'est Chewbacca, il parle même pas la langue. C'est vrai, parce que c'est vrai, en plus. Bah oui. C'est terrible. C'est terrible. Ok, une autre hot take. C'est que beaucoup de gens disent « Oh, Harrison Ford, il se pointe et il fait le bare minimum et juste pour avoir son chèque. » Je suis pas d'accord. Non, pas du tout, ouais. Moi, je trouvais qu'il s'était super bien remis dans le rôle de Han. Absolument. Et puis, Han, il est fatigué, quoi. Ouais, bah, Harrison aussi. Bah oui, oui, justement, c'est le truc, c'est que... C'est que... C'est cool, enfin, c'est normal. Ah oui, non. J'adore Chewie, incroyable. Fourteen. Pareil, Jonas Suotamo, je trouve qu'il fait un taf de ouf. Il est fantastique, il a vraiment bien repris. C'est parce qu'il a été en coordination avec Peter, je pense, beaucoup. Et c'est ça, ouais, ouais, ouais. Il a vraiment eu un mentor. Peter est sur le set encore. Oui, oui, oui. Il est dans les scènes dans le cockpit, il me semble, la plupart du temps. Il est wholesome quand même, Jonas, hein, vraiment. Oui. Dans sa manière d'être dans Star Wars, il est trop content tout le temps, quoi. Mm-hmm. Il a l'air d'être content dans tous les projets dans lesquels il est, en vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. C'est... Même Willow, il était content, je me rappelle. Oui, oui, oui. Qui se rappelle de Willow? Moi, c'était trop bien. Ouais, j'y pense vraiment très souvent. J'aime bien le fait que tout le saoule. Ouais, mais oui, c'est trop à bien. Chaque fois, à chaque fois qu'il commence à se relaxer un peu, il y a un autre truc qui arrive. Putain, il y a une merde, merde qui arrive. C'est pareil, le name dropping de trucs qui veulent rien dire. Mais oui, j'adore, ouais, c'est aussi. Trop bien. J'allais me dire, Mathieu. C'est genre, j'allais... ok. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais tu vois, ça crée de l'or, en fait. En fait, c'est trop bien. Pardon. Pardon. Mais je pense que ça se voit que ça a été écrit, co-écrit par Lawrence Kasdan, justement. Parce que c'est pas forcément... Oui. Je sais qu'il a pas fait que des trucs mirobolants, mais le pulp comme ça, je trouve que il excelle à Star Wars et Indiana Jones. Vraiment, je sais pas, il a la sauce. Le mec. Le premier écossais de Star Wars. Mais oui. Donc, une fois, c'est pittoresque, j'adore. C'est tellement. Mais ouais. Con. Enfin, tu sais, con, mais dans le bon sens. Ouais. C'est ridicule de la meilleure façon. Et whimsical. Non, mais c'est pareil, Kanji Club, c'est incroyable. En plus, leur design aux gars, ils sont trop over the top. Mais oui. J'adore. J'adore, c'est trop Kanji marrant. Club. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Et eux, ils arrivent, non mais c'est hilarant. C'est hilarant. Je me souviens quand c'est les mecs du film qui est The Raid. Et tout le monde est en mode, oh, ils vont avoir une séquence d'action trop cool et tout. Non. Ils sont juste bouffés. Très drôle, très drôle. Twice. Ouais. C'est vraiment le plus Han. Et puis vraiment, mais Finn et Rey en dessous qui se baladent à quatre pattes, c'est hilarant, quoi. Mais c'est trop marrant. Des bébés, c'est les races moquettes. Trop... Non, mais c'est ça. Mais non, mais je pense que ça a été fait pour ça aussi, à mon avis. Hein. Le parallèle, il est voulu, je pense. C'est des enfants. Ils se baladent à quatre pattes. Et regarde, elle est intelligente. Et elle fait quand même des erreurs. Tu vois, encore une fois, c'est quoi ces histoires de Marissou ? Elle fait des erreurs tout le temps. Arrêtez. Ouais. Arrêtez. Regardez les films. Wrong fuses. C'est hilarant. Et vraiment, moi, ça me fait trop marrer. Mais qu'est-ce qu'il branle avec ça dans son vaisseau, Han Solo, quoi. Vraiment. Ouais. Bah, c'est oh là trop là, drôle. Il se retourne, il le rejette. Il est trop drôle. Il fout une patate s'il continue à courir. Dit, ah non, attends, je vais le jeter dans le raftar, tiens. Et je sais qu'il le jette. Il y a plein de gens qui disent que ça fait très indie, la façon dont, ça, dont il le fait là. Je trouve que ça va aussi à Han. Ils ont ça, oui. C'est un des trucs qui overlap pas mal entre les deux personnes. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que... ça marche trop bien. C'est trop drôle, je suis désolé, ça marche trop bien. Ils ont vraiment dû s'éclater sur le film. Ray qui met sa main devant sa bouche en mode, oh putain, c'est trop marrant. Ouais. Et encore une fois, on n'en parle pas trop, mais les CGI, ils sont vraiment bien foutus. Hein. Ouais, c'est super genre, beau. Tu sais que c'est ouais. pas du practical, les trois quarts des trucs, et ça, franchement, ça... Ça a tellement des vibes Nostromo, ce vaisseau. Mmh. Si vous vous souvenez pas, c'est le vaisseau dans le premier Alien, Adrien. Tu sais, c'est la franchise qui a un lien avec Predator de loin. C'est vrai. Allez voir Predator Badlands au cinéma. I was lucky. Ah, ils sont so precious. Trop marrants tous les deux, quoi, vraiment. Ah oui, et évidemment, là, il se fait blesser. Principalement pour, justement, qu'il soit moins debout et laisser Peter faire un peu plus de séquences. Ah! Ok, je savais pas ça. Ouais. Ouais. Parce que je pense que pour celui-là, il voulait encore avoir beaucoup, beaucoup de Peter. Autant qu'il pouvait. Ben oui. Ouais. Pour passer la torche. Ouais. C'est un peu tout le film, et je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est un peu un problème, c'est vraiment le passage de torche entre l'ancienne et la nouvelle génération, ce qui est aussi The Last Jedi. Ok, ça c'est un easter egg pourri, ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'était pas le meilleur. Hein. C'est... Et encore, c'est pas C-3PO dans Rogue One qui fait « Oh là là, ils vont sur Scarif !» Là, j'adore ce plan où t'as le monstre qui se désintègre. C'est trop marrant. Je vais jamais faire confiance aux Écossais, c'est terrible. Hein. Ouais. Mais il était méchant dès le départ. Starkiller, que dire? J'adore le design. Anti-Serkis, putain. Hein. Il est à... Ça, par contre, je trouve que Snoke est moche dans ce film. C'est vrai qu'il est mieux dans. Ouais. Il y a un bien meilleur design et plus tangible. Je sais qu'il est pas que c'est un hologramme, mais. Moi, je trouve que ça va en vrai. Non, ça va, mais. Il veut faire peur, c'est normal que. Il soit genre, on ne voit pas beaucoup, on ne voit pas bien, on n'est pas. Non, je sais, mais il est. En termes de CGI, je trouve qu'il c'est probablement celui que je trouve qui est le moins bien fait. On dirait vraiment un bébé quand il regarde en haut comme ça. Mais c'est oui, vraiment des, mais bien sûr. Les deux petits fachos qui s'en fait engueuler. Ouais, c'est vrai. Vous saviez que justement, en contraste, la capuche et le masque de Kylo, là, c'est du CGI. Ils ont tourné la scène sans. Ah ouais? Et après, ils se sont dit, sérieux? Non, c'est plus logique de garder son unmasking pour quand il est face à Rey. Oh putain. Et du coup, ils lui ont fait le truc en CGI. Ça se voit pas. Ah, ça se voit pas du tout. C'est trop, trop bien fait. En fait, elle est trop chou. C'est vraiment le cœur du film, le Finn. C'est vraiment le mec qui a de l'alchimie avec tout le monde. C'est vraiment la glu entre tous les personnages. Elle est incroyable. Oh, c'est trop mignon. Move ball. Ouais. Le dernier plan dessus était trop, mais Ouais, ça, là, c'était OK. Franchement, ouais, c'est pas trop. C'est juste que ça te sort un petit peu du film quand tu vois ça. Genre, ouais, OK, OK, c'est un clin d'œil, OK. C'est du fan service des années 2010. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé, Anne. Il t'a pas dit la vérité. C'est quand même un gros mytho, Lucas, quand même. Mais il a la honte. C'est pas une raison pour mytho. Non, mais... Bon. C'est pas très Jedi de mytho comme ça. Tu me plaisantes ou quoi? C'est les plus gros mythos de la galaxie. Oui, mais c'est pas la philosophie de Jedi. Ce que je t'ai dit, c'était vrai dans certains points de vue. C'est des gros hypocrites. C'est des gros hypocrites, mais à ce moment-là, Luke, il savait pas que c'était des gros hypocrites. Pour le coup, c'est vrai que tu t'attends à ce que Luke soit meilleur. Et dans plein d'aspects, je trouve qu'il est meilleur que la génération précédente, mais c'est vrai que, putain, il a chié dans la colle. Hein. En fait, il a fait une erreur et ça a tout plombé sa vie. C'est tellement plus logique dans ce rôle de mentor qu'il est foiré. Oui, oui. Bah oui. Qu'il est chié dans la colle comme ça. Il a eu aucun modèle, quand même. Hein. On rappelle que son maître, il est mort, il était même pas encore Jedi. Et l'autre, il était en mode « Oh, vas-y, va tuer ton père, je meurs. » Non mais ouais, c'est ça. L'autre, c'était vraiment le vieux en fin de vie. Tu commences à délirer. C'est sympathique, Takodana. Qui l'a bullié et tout, là. J'adore ouais, Takodana, vraiment. Par contre, je dirai après, mais un truc qui est très drôle dessus. Sur Battlefront, c'était une de mes maps préférées. Ouais, moi sympa. Aussi, je pense. Qui se rappelle de Battlefront? Pas moi, du coup. Ouais. J'y ai pensé avant et j'en ai pas parlé parce que dans le mode histoire de Battlefront 2, on joue Anne dessus et j'adorais parce que c'était à l'époque où j'étais vraiment en train de tomber amoureux de Anne en tant que personnage. Du coup, j'adorais. Tu joues Anne avec de la barbe. Avec un... Ouais, une barbe, c'est ça. Ouais. Non, c'est la première fois qu'elle voit de la verdure, le bébé. Ah, il l'a déjà adopté. Hey, I know a boy. Ce blaster est trop, trop joli. Il est trop beau, ce blaster. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est mignon. Je l'aime bien. Et le sound design est super cool. Je l'utilise souvent dans mes trucs. Le sound design de Star Wars 7, notamment, est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je pense que c'est un des préférés de toute la saga. No Ben Burt, no problem. Mais c'est dingue. Ils ont vraiment géré. Ouais, c'est fou. Enfin, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit moins bien, mais c'est vraiment vraiment bien. Il l'a déjà recruté. Oh là là. C'est un peu bizarre son maquillage dans certaines scènes comme là, par exemple, son rouge à lèvres ressort vachement. C'est après, genre, ça fait pas très naturel, ma chérie. C'est pas le genre de personne qui mettrait du maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est du faux maquillage naturel. Oui, oui. Mais ça se voit un peu trop sur cette scène-là, par exemple. Là, ouais. Mais est-ce que c'est pas à cause de la météo? J'adore ce droïde. Et ceux qui ont joué, évidemment, au Star Wars Jedi, vous l'avez tué 10 000 fois. Des couleurs différentes. Et Maz Kanata, qui a une statue à son effigie devant chez elle, c'est quand même... dis donc, quel drôle de... Elle aura farm à distance. Anything. Au Jabba. Lin-Manuel Miranda, avant que tout le monde le déteste, for some reason. C'est vrai que tout le monde déteste, j'ai jamais compris trop pourquoi. Bah, c'est, je crois que c'est parce que c'est juste un libéral. Ouais, c'est ça. You know. Et puis ça, on l'a trop vu. Ouais. Did we though? Tout le monde regardait Hamilton tout le temps aussi. C'est ouais, c'est ça, le truc. Moi, en j'ai fait. Jamais regardé Hamilton et je m'en porte très bien. Lupita Nyong'o, elle a fait un taf de. C'est, elle est trop forte, mais c'est une actrice qui elle est incroyable. Trouve, hein. Elle est, on la voit jamais assez, quoi. Ouais, elle est sous-exploitée. Mais vraiment, dans Star Wars, assez. Par exemple. Bah ouais, dans Star Wars, c'est. Putain, ces deux-là, ils baisent, mais tellement. Ah ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est mais il est là, je crois. Non, je suis pas sûr. Non, c'est pas grave. Oui, c'est la cantina. Moi, je trouve que ça va. Je trouve qu'elle a pas du tout la même. Non, mais justement, ouais. Mais c'est une critique, je veux dire. C'est oh là là, oui, ah. C'est comme la cantina. Bah, mais c'est justement. Non, c'est ouais. Comme la cantina, mais c'est pas la même chose. Ça fait plus taverne de D&D que. Ouais, ouais de complètement. Ouf. C'est complètement. Mais alors, ça, tiens, un truc que je trouve. Ce film-là en particulier a une grosse vibe conte de fées et fantasy, beaucoup plus que la plupart des autres. Ouais. Je crois. Je suis pas sûr. Ok, me croyez pas forcément, mais je crois que là aussi c'est en CGI. C'est vraiment le brooding boy. Ah ouais. C'est vraiment. Comment ça s'appelle hein? Byronic. Oui, oui, complètement. Et ça, il le refait beaucoup aussi, JJ, dans le. Enfin, et Ryan aussi dans les épisodes 8 et 9. Hein, il a beaucoup de moments où c'est vraiment. Enfin, putain, c'est une peinture des années 1830. Hein. J'étais persuadé, mais vraiment persuadé, à l'époque du 7 et un peu après, que quand il dit ça à Vader, ça veut dire qu'il voulait détruire les sites. Ah ouais, j'avais cette théorie aussi. Est-ce que c'est peut-être un agent double et du coup, ouais. Il a sacrifié toute sa... C'est ça, toute sa vie, sa famille. Toute sa vie pour ça. C'était pas le cas. C'est non. Pas... Mais je me rappelle c'est beaucoup plus tragique en vrai. Non, je t'en prie. Non, j'avais parlé du casque de... Oh, vite fait, juste, Tuki voudrait que j'en parle. Ray... ce qu'elle tient dans la main, c'est une pomme qui est carved, je sais plus comment on dit. Et ouais, dedans, ils ont juste mis un chou romanesco dedans. Trop marrant. Oh, mais oui. Et c'est littéralement juste ça. Trop marrant. Oh, ça doit être dégueulasse. Ça doit être dégueulasse à manger. Mais voilà. Je sais que Tuki, je l'ai dit pour toi. Mais il n'y a pas Tuki d'ailleurs, qui n'a pas pu être là avec nous. Non, il travaille. Mais on embrasse. Il travaille le soir maintenant. Pour l'instant. C'est trop rigolo, ouais. Les gros yeux. Je préfère Maz en CGI comme ça et que dans l'épisode 9 où ils ont essayé d'en faire une marionnette, mais ouais. Je trouve qu'elle rend mieux en CGI. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pour ça qu'il n'hésite pas à les tuer, tu vois. Le meilleur. Oh, mais c'était Captain Grushkov. Oui. Captain Sidon Ithano. The Crimson Corsair. C'est dommage que Finn n'a pas de thème musical aussi. Après, Han oui, n'en avait vrai. Pas non plus avant Solo. Je pense que ce qui fait aussi que TFA est beaucoup mieux que Rise of Skywalker, au-delà de l'horreur de l'histoire, c'est que le storyboarding de TFA a dû être vachement mieux fait que... Mais ils ont été un peu rushed, hein, je pense, que Rise of Skywalker. Pour, là. J'aime trop ce petit truc, là, cette petite séquence. Elle est là le dessus, hein. Elle est au-dessus de lui, là. Ouais. Il sait faire des plans, ce con. Hein. C'est terrible, hein. Il sait faire des films, hein. Ouais, c'est ça qui est dingue. Hein. Moi, je trouve que celui-là, il est trop sous-estimé comme film. Il est vachement solide. Ouais. Je me souviens à l'époque. Pardon. J'allais dire, ils ont des trop belles poses. Ah ouais, ça c'est sûr. Bah, justement, ça, des fois un peu trop. Vous savez que dans une scène coupée, là, il y a un Carplug qui arrive et Chewie lui arrache le bras. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Je l'ai jamais vraiment vu. J'ai vu que des photos, mais ouais. Et c'est dans la novélisation aussi de l'épisode 7. C'est pas la meilleure, mais toutes les scènes coupées sont dedans. Encore une fois, le côté conte de fées et fantasy, là, avec le sabre laser, un truc qu'on n'avait jamais vu avant, mais ça, moi, je trouve que ça a du sens. C'est un objet qui a vécu beaucoup de choses. Mythologiquement. C'est horrible, parce que quand j'avais vu le film pour la première fois, je m'étais dit, on dirait l'attraction Pirates des Caraïbes. Ah, c'est vrai. Dans un film d'horreur. Je saurais pas l'expliquer vraiment, mais en fait, toute cette séquence sur Takodana me rappelle Willow. Parce que c'est de la fantasy qu'on me fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment, ça me rappelle beaucoup Willow. Et l'auberge aussi, je pense. Ouais, ouais. Les personnages en couleur, je sais pas. C'est... Après, ils vont dans la forêt et tout. Littéralement, elle est aurore de la Belle au Bois dormant. Hein. Ça, c'est le rouet. Vous êtes prêts? Vous savez qu'il m'a fallu un ou deux ans pour reconnaître que c'était Bespin, là? Ah ouais, c'est Bespin? Juste avant, comme ouais. C'est sous-éclairé. Ouais. Regardez, attention. Là maintenant, regardez. Ah, ils sont là. Ils sont là. Les poseurs. Les poseurs. Ok, petit détail. Ils ont. Un truc qui est bien foutu dans la continuité, c'est que c'est ce vaisseau-là qu'il pilote dans l'épisode 9. Le fameux vaisseau de Ochi of Bestoon. Ah, yes. Il était bizarre ce plan de Rey debout qui lui dit qu'elle n'aurait pas dû y aller. Peut-être que c'était un reshoot, je sais pas. Ouais, je pense. Parce qu'il me semble que Lupita avait dit qu'ils avaient fait justement quelques reshoots avec elle, spécifiquement. Les orbites de Maz, on dirait une orange coupée en deux. Ouais. C'est vrai, ouais. Weirdly satisfying. Tu penses que Maz pense à Kort à ce moment-là, Gauche? Toujours. C'est la réponse que je voulais. Bah, c'est son fils. Bah oui, ouais, c'est ça. Ah, kids. Pareil, Maz, elle doit en avoir un cul d'être entourée de teubés. Ouais, c'est vrai. Après, elle a genre 1000 ans. Ouais. Je pense qu'elle a l'habitude maintenant. J'aime trop comment elle court des iris. Grande scène, ça aussi. Ouais. Qui a marqué quand même aussi. Hein. Ah ouais. Ah bah, c'est pas pour rien qu'elle est utilisée en mème aujourd'hui. Bah voilà. Il a vraiment mis toute sa Oxuci dans ce discours. Les plans d'ensemble comme ça sont vraiment cool. Ah bah, tout le côté monochrome avec juste les touches de rouge, vraiment, c'est... Ouais. Je me demande si c'est inspiré de quelque chose. Là. Bonne question. Non, mais je me souviendrai toujours les gens qui disaient « Oh là là, c'est l'Empire. Bon, là, le First Order, c'est un peu trop similaire aux nazis. » Mais tu crois que c'était quoi l'Empire avant? Une espèce d'abruti de mes deux. C'était vraiment le moment où j'aurais dû comprendre que putain, ils sont tous brain rot sur internet, ils sont tous nazis en fait. Ça me rappelle une réplique dans la saison 2 de The Boys où c'est Stormfront qui dit mais les gens sont d'accord avec moi, ils aiment juste pas le mot nazi. Ouais, ouais. Oh, je me souviens, qu'est-ce qu'elle était hot. Alors oui, d'une certaine manière. Elle m'aurait rendu nazi. Moi, ça me fait trop. Alors, c'est trop marrant que tu dises ça parce que quand je l'avais vue, je m'étais dit oh putain, elle pourrait trop faire la sœur de Chucky. La sœur de quoi? De Chucky. Bah, je trouve qu'elle ressemble trop à. I have a type. Ah, j'avais compris, Chucky. Je me suis dit, attends, mais Chucky a une sœur. En vrai, ça aurait dû être Coruscant, ça aurait été tellement plus ouais, d'impact. Ça aurait été en tellement vrai. Plus logique. Ça aurait été stylé de fou. Hein. Ils ont pas eu les boules. Mais quoi, Rondes ouais, c'est ça. Je trouve ça. Je me rappelle, pendant le film, je m'étais dit c'est hyper violent quand même, la destruction du système. En fait, ce que je trouve ouais. bien... Tu vois, encore une fois, c'est un truc qui est similaire à l'épisode 4, mais le fait qu'on le voit de plus près, je trouve que c'est une bonne addition. Parce que, ouais, on n'a aucune connexion avec cet endroit-là. Et du coup, on te met sur le sol et on te montre leur point de vue. Je trouve que c'est une façon de dire... Ils sont en train de tuer des gens. Et j'adore le détail que Kylo participe pas à ça. Pour moi, c'était la première indication qu'il y a un truc... Enfin, pas la première, mais tu vois ce que je veux dire, la plus grosse indication dans le film, qu'il est détaché un peu de ce truc-là. Et après, même quand il est littéralement Supreme Leader, il y a des implications que le mec, il en a rien à battre du côté fasciste. C'est un sujet intéressant. Tu vois, ça je comprends pas. Les gens, ils voient ça, ils se disent « Ok, Finn, ça devait être un Jedi. » Non! Elle lui a juste donné le sabre laser pour lui dire de l'amener. C'est littéralement le messager. C'est le gars qui va le ramener à elle. Ouais. Non, mais c'est la faute de la bande-annonce. Ouais, je pense. Et l'affiche. En partie. Okay, et puis la mais scène de moi, fin. Je suis désolé. La bande-annonce, c'est pas le film. Et reprocher oui, au film les trucs de la bande-annonce, c'est unfair. Safety. Vous pensez que Maz Elle a su répondre, non. C'est, bah, c'est pour ça qu'elle a des disputes de syndicats dans le 8. Ah oui, avec... Non, mais tu sais, c'est Durstaff qui vient sonner à sa porte. Vous avez payé tous vos employés ce mois-ci, la maze ? Regarde ce poseur de merde, là. Incroyable, putain. À chaque fois qu'il entend « girl », c'est le trigger. C'est vraiment un incel. C'est vraiment l'incel. En même temps, je sais pas, la seule meuf qu'il a dû voir de sa vie, c'est sa mère et... Il avait une pote du Jedi aussi, et c'est une grosse connasse. Ah oui, c'est vrai. Qui a essayé de le tuer. C'est tout un truc. Oh, le Han là qui shoot sans regarder là. C'est... Et après, tu vois, un truc qui est un super parallèle, c'est qu'il avait jamais fait vraiment ça avant. Mais JJ lui fait faire ça, et après dans le 9, il le fait faire à son fils. Ça, c'est un bon parallèle. Ça, c'est ce qu'on aime. Ça, ouais. Lui aussi, c'est un giga poseur. Le gros poseur aussi. J'ai vraiment unlock un truc avec ça. Ouais, c'est vrai. Et vous savez qu'à chaque fois maintenant que j'ai un objet où ça fait, c'est ça, une barre avec une plus petite barre perpendiculaire, je fais le geste le comme ça. Non, mais il est trop stylé, ce Stormtrooper. Bah, clairement, c'est pas un bolos, quoi. Ouais. Bah, il est entraîné pour ça. Finn, il est ouf quand il a un blaster. Genre, il rate presque jamais, vous verrez. Mais il n'est pas très bon en corps à corps. Et encore. Et le bowcaster, c'est quand même une arme de bâtard. Hein. Oui, le bowcaster. Ouais, ça marche bien. J'adore l'effet qu'ils utilisent pour les voix des Stormtroopers. Mais la petite distorsion et tout. La musique. L'un des meilleurs thèmes. Des meilleurs vaisseaux. Oh, les poils. Vraiment dommage d'ailleurs que dans Rise of Skywalker, il soit pas noir et orange encore. Je sais que c'est pas le même, mais le noir est tellement iconique. Oh, c'est beau. C'est beau de ouf. Qu'est-ce qui vise bien? Regarde, hop, boum, boum. Ah, c'est pendant les X-Wing, hein, quand même. J'adore le fait qu'il est en mode « Wouhou !» Finn, en tuant des anciens collègues. Et en voyant des anciens collègues se faire tuer. C'est trop con, Star Wars. J'adore. Ah, pareil, tu vois, en retour au conte de fées... Mais dans l'espèce de forêt qui a l'air enchantée et tout. Ah, forêt avec très british. Ah bah, c'était la forêt de Dean, ouais. Je me souviens. Ouais. Ah bah ouais. Ça... Dean Djarin. Allez, c'est tout pour j'ai moi. J'ai même pas entendu. J'ai dit Dean Djarin. Il est vraiment cool. Ils ont eu tellement plein d'idées pour faire des nouveaux trucs avec la force aussi. Oui, c'est vrai. Oh, je me rappelle aussi, après avoir revu... En fait, j'ai découvert les Monty Python après avoir vu TFA. Et à ce moment-là, maintenant, je pense au Chevalier Noir dans Sacré Graal. Ouais, c'est dans le même sort de forêt. Ouais. Non, bah ça, il arrive même pas à toucher une fille. J'adore comment il est trop smooth juste après. Je ne comprends pas comment tu vois ça et tu vois pas genre Dark Prince Charming, vraiment, genre c'est clairement une romance, je suis désolé. Regarde-moi. Mais clairement, il aurait pu la porter comme un sac à patates. Et lui, il voit son fils comme ça, il fait ah, mais je sais qu'il est pas très bon pour communiquer avec les filles. Mais tiens, c'est pour ça, quand je parle de Star Wars, c'est ce que je disais à Adrien, quand je parle de Star Wars avec, entre guillemets, les normies, ça m'énerve tous les gens qui pensent que Han, c'est un Casanova, alors que pas du tout, c'est un gros loser en vrai. C'est pour ça, en fait, je comprends pas les gens qui disent qu'ils aiment Han et qui se rendent pas compte que c'est le plus gros loser de la galaxie, mais genre, de la bonne manière, c'est le meilleur parce que c'est un loser. Vous êtes prêts? Oh, c'est 3PO. Oh, il est trop chiant. Moi, je le trouve très drôle parce qu'il est, il est vraiment c'est pas... très marrant, quoi. Encore une fois, je trouve que tu sens la patte de casse d'Anne dans des scènes comme ça. Ça marche bien, même 3PO qui dit à BB-8 « Allez, viens, on s'éloigne. » Absolument. Juste, ça se voit qu'ils se connaissent. Ouais. Ça se voit qu'ils se connaissent, ça se voit qu'il y a une relation entre les deux, ça se voit New que... Jacket. Et ça marche bien, quoi. Voilà, il est là, votre Carl avec Chewie, bande d'enculés. Pardon. Bif de censure. Pour moi, un des principaux défauts du film, c'est que je pense que JJ, il est pas très bon pour diriger les actrices dont il est le plus fan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que raison pour laquelle Harrison Ford est si bon dans le film, c'est parce que c'est Harrison c'est Ford. C'est parfait, ça, je connais. Mais tu sens avec Carrie Fisher qui a une moins grosse carrière, moins longue en tout cas. Enfin, tu vois, moins de projets que Harrison, que elle a plus de mal dans ce film-là, alors que elle est fantastique dans l'épisode 8. Donc là, je trouve qu'elle a un peu plus du mal. Et ces deux-là, il faut qu'ils baissent là maintenant, là tout de suite. Ah ouais, putain, vraiment. Ah, même le goudron, là, s'il vous plaît. Oh, le gay hug, là. Vous vous rendez... Et quand il se mord les lèvres, là, putain. Et d'ailleurs, ça arrive. Cette planète-là. Vous vous souvenez, c'est la planète où Yasso dans Andor. Dans Andor, ouais. Oui, c'est Dakar. Voilà. Ah, voilà. J'étais trop saucé quand j'ai vu ça dans Andor. Oh, et le fait que ça soit plus princesse, mais généralement, oh là là, c'est tellement... C'est qui derrière elle, là, Adrien? C'est Kaidel. C'est Billy Lord. Oh, cette scène, j'adore. Ouais, j'adore, vraiment. Il n'a jamais été aussi expressif, Chewie, je trouve. Même Chewie, c'est un loser avec les femmes. Il est trop compatible avec Han. Je pense qu'il a vraiment... plus de succès que Han. Oui, oui, mais Han a quand même des teints. Oui. Putain, c'est drôle, des fois, on a vraiment des moments comme ça avec Chewie. Don't do that, do what... anything. Et vous avez vu, le plan, il est vers le bas, à hauteur de BB-8. Ouais. Et du coup R2 a l'air super grand. Oui. Après, il est stock, en vrai. Hein, c'est fait exprès. R2, tu te rends pas forcément compte. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, vraiment, on est à hauteur de BB-8, et c'est trop intelligent comme plan. Il est juste en dépression. Artout en dépression, quoi. Mais c'est ça, hein, littéralement. Donnez un psy à ce droïde, s'il vous plaît, putain. T'imagines les autres rebelles là qui voient Anne et Leia se bouffer le nez. On n'a jamais vu quelqu'un aller tôt tout tôt avec Leia avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le regard à la fin. Pourquoi il accroupit ce gros con? Le poseur. Là, c'est vraiment la bête dans La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai, ce côté un peu animal, bestial, penché en avant, la tête relevée. Et les cheveux aussi, hein. Oui, la peau aussi. Les cheveux, il est quand même vachement coiffé princier. Oui, mais il a les cheveux longs. Oh no, he's hot. J'aime bien le... Ça, c'est un truc qui est un peu moins bien dans l'épisode 8. Là, le turtleneck, là. Assez intéressant. C'est fou qu'il avait déjà plus de 30 ans et il avait l'air si jeune à l'époque. Il y a plein de gens qui croyaient qu'ils avaient le même âge tous les deux. Ouais, ils ont 10 ans d'écart. Ils ont 10 ans d'écart. Alors, il arrive même pas à la regarder dans les yeux. I struggle with women. Je déteste les gens qui disent que c'est du viol mental, ça me rend complètement dingue. Arrêtez de dire que tout est du viol, putain de merde. J'en ai parlé avec ma chérie l'autre jour, justement, de ça, et ça m'aurait pile au plus haut point aussi. Genre, ok, d'accord, il y a une scène où Anakin, Mace et Obi-Wan, ils font ça à Poggle le Bref dans Clone Wars. Est-ce que c'est un... Est-ce que vous diriez la même chose? Non. Non, mais surtout, enfin, voilà, c'est tellement irrespectueux envers les vraies victimes. Absolument, ça m'énerve. Et ça me rend dingue. Comment tu peux comparer ça, quoi? C'est pas du tout comparable. Et du coup, on en parlait il y a quelques temps, mais oui, pour moi, l'île et l'océan qu'elle voit, c'est Actu. Genre, elle a des prémonitions de Actu dans ses rêves. Parce que c'est sa destinée. J'adore comment, dans le sound design, ils te font faire ressentir le passage de pouvoir entre l'un et l'autre. D'ailleurs, c'était des ronronnements de chats qu'ils ont utilisés pour faire les bruits de quand Kylo utilisait la force. Et après, je crois que pour Rey, c'était un battement de cœur ou un truc comme ça. Ah la vache. Oh, bébou. Le crush est déjà installé. Un vieux pruneau d'agent. Hein. Ben, il a vu une meuf lui résister, lui tenir tête. Marry me. I will literally die for you. Et d'ailleurs, quand tu parles de La Belle et la Bête, le fait qu'à la fin, il se sacrifie pour elle et tout ça. Il y a tellement de parallèles, même dans l'épisode 9, entre ces œuvres. Tout ce qui manquait, c'était... C'est Tom Hardy, hein? Oui, c'est Tom Hardy. Ouais. I'm Bane. Je sais plus quelle voix bizarre il fait. Mad Max, c'était en quelle année? C'était en 2015 aussi, bah, en fait. C'est la même année. Ouais, t'as raison. 2015. T'as raison. Ouais. Et en fait, on reconnaît sa voix. Putain, j'avais jamais fait gaffe à quel point on reconnaissait sa voix. Ouais. Comment tu peux ne pas aimer ça? Je suis désolé, à chaque fois je dis des trucs comme ça parce que. I drop my weapon. C'est tellement drôle. Et oui, si toi, on te disait la force c'est vrai et tout, et que t'avais entendu des histoires sur la force toute ta vie, t'essaierais les trucs que t'as entendu parler. Et la raison pour laquelle Luke galérait, c'est parce qu'il y croyait pas. Et Rey, elle y croit. Rey, elle y croit, et c'est pour ça que c'est facile. C'est instinctif. Oui, et puis Luke est beaucoup moins dans... Je sais pas comment dire. C'est trop cool. Rey, elle marche beaucoup plus avec ses tripes. Oui, ouais. C'est instinctif, ouais. Que Luke. C'est une survivante, ouais. En fait, hein. Luke, il avait tous les jours son verre de Blue Milk qu'il attendait tous les matins. Il avait ses céréales, il avait à bouffer, il avait... Une meilleure enfance, tout simplement. Ça change énormément la façon dont tu vois le monde. Complètement. C'est trop ridicule, ça me fait rire. So it's big. Je rêverais de... Moi, je pense... Ah, et je vais vous faire une confidence. Je rêverais de faire un... je sais pas, un fan film ou un, je sais pas, une fanfic, j'en sais rien, sur les graphistes rebelles qui font les plans comme ça. Qui fait des trucs comme ça? Est-ce qu'ils ont une équipe genre créative visuelle, tu vois? Ils ont des infographies. En général, c'est des trucs qui chopent. C'est du intelligence. C'est même pas eux qui les font. Ils les récupèrent des mains de l'ennemi. Bah non, parce que là. Ouais, mais je veux dire. Ah, celui qui prépare la. Ouais, qui prépare les diapos. Qui prépare les diapos dans les trucs rebelles, tu vois. Moi, c'est ça que je veux savoir. Et je rêverais d'écrire ça. Non, et puis si ça veut dire qu'ils chopent les plans, c'est-à-dire que dans l'Empire ou le Premier Ordre, il y a quelqu'un qui fait les plans. Bah oui, c'est ça, qui fait les plans? Et qui s'emmerde et qui se dit, bon, bah ça va être bleu. bon, bah là, le truc, ça va être... Là, je fais à l'échelle, là, non. Tu vois, qui fait ça? Et je suis fasciné par ça. J'y pense très souvent. Et je suis seul connard à y penser, mais qui fait les putains de graphismes de tous ces trucs? Hop, prêt à baiser encore une fois. Ah oui, ils ont la dalle, l'un comme l'autre. Hein. Ah non, mais Day One, Oscar Isaac, il s'est dit, ah, c'est mon bug. Mais vraiment. They like sex. Tiens, je parlais de ça avec une mutue de Twitter. C'est, y a pas assez d'histoires d'amour entre des vieux dans les médias de manière générale. Ouais. J'aime bien le fait justement qu'on les voit plus ou moins se remettre ensemble. Ou tu vois. Ouais. Tendre. Je trouve ça bizarre l'interprétation que ils s'aiment plus et tout. Clairement, ils sont toujours dingues l'un de l'autre. Ils sont séparés, mais ouais, c'est ça. Même pas sûr s'ils sont divorcés, par exemple. Je pense pas. Je pense qu'ils sont séparés, mais pas divorcés. Ouais, je pense aussi. Non, mais on vit chacun de notre côté. Il faut la garde partagée de Chewbacca. J'aime bien ce petit moment. Tiens, j'en ai parlé cette semaine avec The Space Shipper, notre ami. Il disait, quel est l'un de vos crashs de vaisseau spatial préféré? Et j'ai dit, j'aime bien celui-là. Surtout ça. Ah bah c'est marrant, moi mon préféré c'est un autre film de J.J. Abrams. Bah il avait mis justement un des... Un autre exemple, c'est ça qui m'y a fait penser à celui-là. Il dit, J.J., il aime bien les crashs de vaisseaux. Ouais. C'est celui dans Into Darkness, hein. Et ouais, ouf. C'est ça. J'adore. Le côté, je crois que c'est un vaisseau gigantesque. J'adore le fait qu'il finit jamais sa phrase, il se casse. Non, mais t'imagines, les officiers, ils doivent, se dire, putain, c'est le mec trop bizarre qui va et après, genre, putain, vous savez qu'il y a 2 semaines, il faisait semblant d'être un technicien radar. Mais vraiment, c'est le mec trop bizarre du boulot. Le Quiet Kid, quoi. T'imagines si Astro et ils disent, putain, il y a encore l'autre de bizarre de Kylo Ren. Je trouve que c'est tellement important ce petit échange entre eux, parce que ça montre que l'arc de Finn n'est pas fini. Là, Finn, il est passé de « je veux fuir » à « je veux sauver mon ami », qui est l'état dans lequel il commence l'épisode 8. Et l'épisode 8, c'est non, il n'y a pas que tes amis, il y a tout le monde qui compte. Et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile à comprendre. C'est drôle ce moment. La pauvre. C'est un film super marrant, en vrai. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent l'épisode 9 est très drôle, mais en même temps, ouais, le 7 aussi. Hein. Ouais. L'épisode 9. Et hein. Le 7, l'humour est vachement mieux géré. Que... Hein ? Ils sont tous marrants, les films Star Wars. On rigole genre, tous. L'humour dans le 7, comment dirais plus fluide. Il s'intègre mieux dans le film que... C'est que vrai. Dans le 9 où tu le vois beaucoup plus, entre guillemets. C'est vrai. Ça rentre plus dans le flow du film. Ouais. Là, c'est... Mais c'est pas, par exemple, ce que les gens appelleraient l'humour à la Marvel, qui n'est jamais dans les films Marvel, d'ailleurs. Où ça, oui, c'est ça, hein, ça arrête un peu le film pour le faire. Moi, c'est un des trucs qui me rend dingue aussi. C'est genre, oh, c'est l'humour Marvel. Mais Marvel, ils font pas ça. Ouais. Non, mais Et puis surtout, ça veut rien dire. Ça veut juste dire. Oui. C'est un buzzword. Humour pour film d'action. Ouais. Parce que humour pour film d'action, ça existe depuis toujours. Regardez, juste avant les Marvel, hein, Pirates des Caraïbes faisait ça très très bien. Et encore avant, d'autres films dans les années 90. Dans les années 80. Voilà. Tous les films de Schwarzenegger, presque. Et bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Les films avec Schwarzenegger, ça marche bien. Schwarzenegger et De Vito, là. Par rapport à ça. Ouais. Même Batman, tu regardes le Batman de Tim Burton, il est très marrant. J'ai cru que t'allais dire de Schumacher. Ah non. Qui est très marrant aussi. Qui est très marrant aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Et encore, il y avait Schwarzenegger dedans. Pourquoi il est vert Pourquoi la carte, elle était verte alors que tout à l'heure, elle était bleue? C'est pas la même. Qui change les couleurs? Bah non, mais qui change les couleurs, putain? C'est un PNG. Là, et est-ce que tous les matins, quelqu'un arrive et allume tous les ordi un par un, vous pensez? Oui. Genre qui allume le vidéoprojecteur de Slok? Qui l'allume? Il y a des télécommandes, vous pensez? Il y a des boutons? Comment ça marche? Il y a du Bluetooth. Non, mais je veux savoir. Quoi, récemment, j'ai regardé la série The Paper, qui est donc le spin-off de The Office. C'est vraiment pas bien, mais Donald Gleason joue bien. Un truc que je dirais là, c'est que la bataille finale est pas très intéressante. Ouais. Tout ce qui est en jeu personnel et tout. Plus concentré sur les personnages. Plus concentré sur les persos que. Ça fait un peu filler et tout. C'est pour donner un truc à faire à Po, hein, principalement, je pense. Ouais, c'est ça. C'est trop drôle ça. Oui. C'est marrant ça. Et tu fais ça, tu fais ça. C'est vraiment trop marrant. C'est vraiment trop drôle, quoi. Vraiment. Elle est trop marrante, cette meuf. C'est vraiment. 5 minutes. Ouais. Je me demande comment elle a appris à parler le Wookiee. Le Chiriwook, pardon. Il y avait peut-être des livres, Encarplot, il lui prêtait des... Et le binaire. Il y a peut-être des bibliothèques itinérantes, tu sais, sur... Genre, c'est trop sans drôle qu'elle a vécu toute seule et elle a tellement plus de life skills que Luke, par exemple. Ouais. Et encore une fois, c'est parce que Luke, il est débile. En fait, il est vraiment surprotégé par sa famille. Son oncle et sa tante. Un des personnages qu'on voit vraiment pas assez, Jess Pava. Ouais. Joué par Jessica Henwick. Qu'on voit dans Matrix 4 et Glass Onion, par exemple. Eh oui! Et encore une fois, ça fait partie de ces personnages très Star Wars où tu sens que dans l'univers, ils sont importants, mais qu'ont quasiment pas de screen time. D'ailleurs, Wedge. Le général là, qui est à côté là, de Leia, pour moi, sera toujours le mec dans Lost, je crois. C'était dans Lost qu'il était. Je me souviens plus quel était son rôle, mais pour moi, il sera toujours le gars de Lost. Dans la saison 3 ou 4, je sais plus. Pour moi, ce sera toujours le gars. Alors, je sais pas si on parle du même gars, mais le Spike dans... Porcupine. Oui, absolument, c'est lui. C'est lui. Dans X-Men 3. Absolument, ouais. C'est de lui que je parle. Pour moi, ça restera toujours lui. Vraiment. Quel film mauvais, X-Men 3, putain. Ah bah les films X-Men sont pas terrible, c'est vraiment de la merde, hein, vraiment c'est pire que Daredevil d'ailleurs, je trouve. Daredevil, il est pas mauvais. Ouais, je trouve ça vraiment, ça se regarde, hein. Vraiment, fais gaffe, Chucky va se bagarrer si tu dis des trucs comme ça. C'est les films émo des années 2000, là, t'as les Van Helsing, les Underworld, Daredevil. Ah, mais ouais, j'aime bien. Underworld, putain, Kate Beckinsale, mais j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Ça fait très bizarre quand il a pas sa capuche, mais qu'il a son casque. Oui, je suis d'accord. Et dans Fortnite, mon perso, j'ai pas d'écharpe pour Kylo Ren. Donc j'ai le seum. Mais je crois pas que c'est le modèle de TFA qu'ils utilisent, parce que... Non, c'est le modèle 19. Voilà. Il est totalement différent. Je trouve ça marrant qu'il a cette vibe hyper différente dans son apparence entre le TFA et les deux autres films. Il est beaucoup plus princier dans les autres, alors que là, il fait vraiment... Monk. Je sais pas. Alors, vous me direz aussi si vous êtes d'accord. Je pense que Adam Driver, il a dû prendre de la masse entre TFA et The Last Jedi, parce qu'il fait vachement plus stock. Ouais. C'est possible. Dans les films d'après. Quand il a appelé Ben, là, vraiment, j'ai au cinéma, ouf. Excellent choix. En vrai, je pense que c'est un très bon choix, non. C'est mieux qu'Anakin. Bah ça, c'est sûr. C'est comme Legacy Name. Je pense que c'est un bon choix. Et je trouve que ça va bien au personnage. Oui. Ça fait le nom de Millennials. C'est vrai. Mais Rey, elle doit mourir de froid, là. Finn qui est aussi en mode « Oh no, he's hot !» Pendant cette scène, je me suis, même premier visionnage, je me suis dit, on dirait qu'il en croit pas un mot, tu sais, qu'il se gaslight lui-même pour. Bien sûr. Vraiment un petit chien battu, quoi. Ah non, mais Driver, il veut juste rentrer à la maison. Ils sont vraiment incroyables tous les deux. Le meilleur moment dans une seconde. La main. Bah oui. Comment tu vois ça et puis tu te dis non, il faut qu'il meure parce qu'il a tué Han. Ouais, c'est Han vrai, en a rien à foutre. Ils sont fous, ouais, c'est clair. Même Leia dans ce film-là et dans celui d'après, elle a jamais l'intention de le tuer. Bah, et le seul moment où elle perd espoir, Luke lui dit non, non, t'inquiète. Ouais, non, Leia qui a la force, ça sort de nulle part. Oui, bah... Je trouve pas. Elle avait une connexion avec Luke à la fin du 5. Hein. Non, ouais. Mais voilà. Même dans le 6. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, dans le 5, c'est avant le 6. Ouais, ouais, ouais. Dès le 5. Mais puis, genre, putain, c'est la fille de Darth fucking Vader. Je trouve ça très intéressant. Genre... Oui, je trouve ça très intéressant parce que t'as deux manières de voir le truc, là. C'est soit il a tiré avec son bowcaster à normal et... Et Kylo, il a tanké ça comme ça, alors qu'on a vu les autres s'envoler à 10 km. Ou alors, il a réduit la puissance, c'était juste un tir en mode « Putain, tu déconnes, gamin !» Et dans les deux cas, c'est très, très intéressant. Dans mon headcanon, il a tiré un gros tir, mais Kylo Ren, il le tanque. Ah, pareil. Mais dans mon headcanon aussi, Chewie visait la tête et il a baissé au dernier moment. J'avais vu un fanart de ça. J'adore tout ça. En mode, t'es vraiment cringe. Quand il se frappe là. J'aime trop le twirl qu'il fait là après. Quel poseur. Avec le sound effect en plus. Alors je trouve que ce combat est pas bien filmé. Bah t'es un connard. La chorégraphie est bonne, mais bah peut-être, mais je trouve que le montage est pas bien. Ça dépend. C'est con. C'est vrai que des fois tu dis ça et puis après je c'est rapide, laisse-moi le temps de voir le combat, on voit rien là, tu vois. Je dirais plus que ça va, ça cut pas trop. Franchement, comparé à n'importe quel truc de l'époque. Là ça va encore. Mais je dirais que c'est les angles qui. À part là, ce plan-là qui est vraiment intéressant. Ouais. Qui est trop beau. Là. Ah, c'est trop bien ça. Oui. Pauvre Finn, putain, ça doit faire trop mal. Ouais, j'avoue. J'adore comment il était en mode je joue avec ma nourriture. Il se fait toucher, il fait bon, ok, d'accord. Moi, okay, c'est jouer. Pour ça, moi, je suis pas d'accord dans le sens où la chorégraphie, je trouve que c'est une des meilleures de la saga. Ah, mais ça, je suis d'accord. Parce que ça raconte tellement. Ah oui, bien sûr. Non, c'est mais... le montage. Ouais, c'est le montage que j'aime pas. Montage, la chorégraphie, certains, certains plans auraient dû probablement être filmés différemment. Il y a un plan qui est coupé, par exemple, où c'est de vue du dessus. Oh. De Rey et Kylo qui se tournent autour comme ça, c'est trop stylé. Je trouve ça dommage qu'il l'ait pas gardé. Hell oh, yeah! C'est le moment. It shows her, baby! Et lui, il est fou. Hein. Moi, ça, c'est trop drôle, c'est un truc que j'adore avec Batman, par exemple, c'est que dès qu'il y a Catwoman, le mec a zéro brain cell. Le mec est complètement genre transi et c'est pareil là, il est genre impossible de réfléchir à quoi que ce soit. C'est vrai qu'on s'en branle de cette bataille spatiale. Hein. On s'en bat les couilles. C'est vrai. Remettez remettez les Eloasti, deux, le Abednego. Oui. Qui va bientôt mourir. Mais bon. Évidemment, il s'est fait son petit kiff JJ avec le trench run. Ok, ok. Ouais. Pour le coup, je trouve qu'il passe pas trop de temps dessus, donc je trouve pas que ce soit un problème. Non, non, non. C'est... Et puis ça reste vachement beau, quoi. Et c'est pas l'attraction principale. L'épisode 9, l'épisode 4, par contre, je veux dire. C'est le truc ouais. principal. Là, c'est juste ouais, c'est la vrai. Side quest. Et là, je sais que je vais pas me faire des amis, mais moi, j'ai toujours préféré les combats au sol plutôt que les combats spatiaux. Les combats spatiaux, ça m'a toujours fait un peu chier dans Star Wars. Ça dépend. Moi, j'adore les courses-poursuites, tous les trucs avec le faucon en général. Ouais. Les batailles, ça dépend. Ça dépend vraiment des films ou des séquences spécifiques. Celle-là, pour moi, c'est probablement la moins intéressante. Non, pardon. Ouais, pour moi, la moins intéressante, c'est probablement celle des Exegol et celle-là avec. Ah oui, c'est vrai. Celle d'Exegol, le problème, c'est qu'elle n'est pas... Oui, oui. J'adore ce petit truc-là. Boum, tchac, et les petits whoop. On rallume le sabre et... Et après, paf. En fait, il y a tellement d'usages pratiques du sabre laser dans ce truc-là. C'est pour ça que je comprends pas. Là, c'est joli, par exemple. Ouais, là, c'est et cool, ça prend son le temps. Coupe pas. Ne le coupe pas, putain, Jabral, s'il le coupe. Non, mais là, ça va. Tu peux pas garder les points non, pour toujours. Moi, je veux tout voir. En plus, mais il y retourne. Si. En plan séquence, et quoi. Et puis, en plus, ça, c'est en bien séquence. De voir leur visage. Alors, on les connaît, leur visage, ça fait une heure et demie qu'on y est. Il est con, lui. Non, mais là, on les voit, les visages, tu vois. Oui. Il est tout mouillé, là. Ouais. Il est littéralement en train de crever, le mec. Je me demande comment elle peut... Ah, c'est beau. T'as comment il la regarde. Je sais que tu qui voudrais que je dise qu'il la regarde comme s'il a envie de la baiser. Et du coup je le dis. Alors comme il a envie de la baiser, non, comment il aimerait trop aimerait la posséder. Ouais. Il le baisse. She non, could peg me all day. J'ai vraiment aucun problème avec ce combat à part là les ralentis. Ça fait bizarre dans Star Wars, des fois. Oui, c'est vrai que c'est curieux, t'as raison, j'avais déjà jamais posé la question. Il y a eu quelques cuts bizarres là, tu vois. Ouais. Par contre, j'adore quand elle le met au sol, elle lui tourne autour, là. Par terre. Comme si elle allait le manger. Ah, j'aime trop ce plan-là. Ça a été mon fond d'écran pendant très longtemps. Ils sont vraiment trop cool. Comment elle le slice. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que Ryan a bougé la cicatrice. Ah, je valide complètement. Moi, je valide aussi. C'est... Je préfère. Ouais. Mais c'est étrange. Parce qu'on l'a, ouais, on le voit bien. Là. Mais ça fait. Ouais, je préfère aussi, mais c'est étrange. Ça fait plus bogus. Oui, bogus. Clairement, clairement. C'est un peu plus cliché aussi, quand même. Ah, et puis je sais pas si vous avez vu les concept art autour Paul Doren. De l'apparence de Kylo Ren dans TLJ, mais c'était... Ah ouais, c'était quoi les belettes ont été dodgées. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Après, ils ont exploré plein de trucs. Mais il y avait Paul Doren, par exemple. Oui. Ouais, Paul Doren. J'adore que pour lui, complete his training, ça veut dire le bully. Tu vois là, Finn, il a toujours pas appris à se battre pour tout le monde. Il est toujours au truc de je défends ma bestie. Bon après, soyons honnêtes, il avait un crush sur elle, mais j'ai l'impression qu'il a un crush sur tout le monde Finn dans l'épisode 7. Mais oui, mais bien sûr, mais parce qu'en même temps, il découvre ce que c'est que les sentiments. Et il teste, c'est normal en fait. C'est ça que c'est intéressant que son premier baiser, c'est avec Rose. Ouais. Mais alors que c'est probablement la seule sur laquelle il avait pas de crush. Oui, c'est vrai. Starkiller qui s'effondre, ça me rappelle trop l'éruption du Yellowstone dans 2012. Oh, je me souviens plus. Ah, je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle plus non plus. Une autre hot take, c'est que peut-être qu'ils auraient dû garder Starkiller pour la trilogie entière. Ça aurait moins fait. Genre, oh, c'est juste l'étoile de la mort. Mais c'est stylé quand ça devient un soleil comme ça. Parce que c'est littéralement l'engin de mort qui devient une étoile. Enfin, je sais pas, ça c'est cool. Vous voyez le R2 Rose, là, c'est R2 oui. Katie. Rose, ouais. Incroyable, trop bien. Je suppose que Adrien, tu peux mieux expliquer moi ce que c'est, mais si t'as envie. Mais... Comment ça? Ah, d'accord. Mais comme c'est un truc de fan... Tu connais pas le lore autour? Le R2, le modèle R2 rose, comme ça, c'était en hommage à une petite... C'est le R2 de pied. Ah oui, ok, ouais. Ah non, je savais pas ça, tiens. Qui s'appelait Katie. Qui avait une maladie, je sais plus laquelle. Oh. Qui était morte, et ça avait été fait par des fans, en hommage. C'est drôle que... Je te connais pas, mais je te fais un câlin. C'est drôle que Leia, c'est vraiment la meuf. À chaque fois, il y a le personnage qui vient de perdre une personne qui vient de rencontrer. Et c'est elle qui doit les rassurer, alors qu'elle vient de perdre un membre de sa famille. Ou plusieurs. Ou toute sa planète. Il l'a appelé le F-word. Hein. C'est pas Chopper. Hein. Oh, pour moi, Chopper est plus violent, mais R2 est plus grossier. Ou alors je me trompe. Enfin, il est très grossier de toute façon. Ils auraient pu régler tout ça dès le début si il avait pas dormi hier. <R2. rire> En vrai, il n'y avait même pas besoin que R2 soit endormi pour que ça se passe comme ça. C'est très trop. Elle a pris sa première douche de sa vie, Rey. Ah, moi j'adore Rey crasseuse. Kylo Ren aussi. Oh, s'il te plaît, te lave pas. J'adore le. N'empêche le fait que malgré ses changements de tenue, elle garde une identité visuelle propre. Mmh. Ouais, les bandes sur les bras. Et... J'adore cette tenue-là avec le soleil de la Nouvelle République taillé dans le, dans le col de Leia. C'était vraiment blink and you'll miss it. Hein. Ah, moi j'aime trop sa tenue à la fin de TH. C'est la meilleure, c'est la meilleure de très très loin. Ouais, ouais, c'est vrai. Pareil pour Rey, pareil pour qui? Non, c'est pareil pour Rey, puis c'est tout. Oh, Billy et Carrie à côté. Elle a vraiment un des meilleurs thèmes. Putain, il a mis toute sa John Williams suicide dedans. Je me rappelle que j'étais terriblement triste à ce moment-là au cinéma. Vraiment, il m'a fallu du temps pour accepter qu'il fallait attendre encore 2 ans pour voir la suite. C'était extrêmement dur. Vraiment, c'était super dur. Moi, c'était OK, j'ai vu le film 5 fois au cinéma. Ah ouais, mais moi aussi, Mais non, j'ai été voir 2 fois au cinéma, je crois. C'est d'ailleurs le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma de ma vie. Moi, c'est le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma, vous saurez jamais, vous devinerez jamais ce que c'est. C'est quoi? Vous allez trop rire. Le Roi Lion. C'est Avatar. Ah bah voilà. Non. Grush the fanboy d'Avatar. C'est parce que je l'ai vu avec ma famille. Et j'ai un pote qui a voulu le voir, alors du coup, je l'ai accompagné. I'm part of the problem. Oh, merci, Adrien, de m'avoir rappelé ça. C'est trop bien, avec tout. Vive l'Irlande. Voilà. Vive l'Irlande libre, d'ailleurs. J'étais trop triste, quoi, en voyant ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est fini, quoi. Ça va se finir là, maintenant, tout de suite. Et j'étais vraiment pas bien. Oh oui, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai chialé au cinéma. Enfin, c'était juste une larme, mais quand Luke se retourne et qu'il a l'air d'avoir toute la peine du monde dans ses yeux, qu'elle lui tend le sabre laser, mais... Damn. What happened to you, bro? Genre là, il est encore normal. Avec la cape cousue sur la tunique. Quand il la voit là, vous pensez qu'il se dit « Oh putain, c'est la Palpatine. » Moi, je pense que s'il le sait à ce moment-là, il s'en bat les steaks. Il voit juste une gamine arriver vers lui. Non, mais dans Moed Canon, justement, ça fait partie du truc, quoi. Lui, je pense qu'il doute pas parce que c'est... Regardez-moi ça. C'est la dernière fois qu'il jouera bien, sous JJ. Drôle de plan pour finir le film, quand même. Ouais, trop bizarre. Le drone. Le plan final est trop bizarre. Le plan drone. Trop étrange. Quel film ? Trop, trop, trop bizarre. On a beaucoup parlé de trucs qui avaient rien à voir avec le film, mais c'est pas vrai. C'est vrai, hein. Bon, alors, du coup, Adrien, ça faisait 6 ans que tu l'avais pas vu. Ouais, bah, c'est un banger, hein. Vraiment, c'est trop, trop bien. Hein. Pour ça, des fois, je me dis, putain, on est vraiment méchant avec JJ, il a quand même fait un... Il a fait 2 super Star Wars. Il y en a un, il s'appelle Star Trek, Mais et l'autre, c'est The Force Awakens. Ah non, mais c'est vraiment, vraiment trop bien comme film. Et ouais. Bon. Bah merci, on espère que vous avez aimé du coup le... Le visionnage avec nous, pour ce commentaire audio. C'est terrible, mais tu sais ce que tu disais juste avant, Adrien, le fait de... d'être triste parce que tu devais attendre 2 ans avant de voir le prochain. Ouais. Là, je suis en train de penser la même chose, de voir le prochain avec vous. Ah bah, il faut qu'on vite qu'on organise ça, alors. Bah, pour les 10 ans de TLJ, bah, hein. C'est pour les 10 ans, dans c'est dans 2 ans, c'est ce que dans je dis. Dans 2 ans. Alors, vous êtes patient et vous donnez sur le Patreon en ça attendant. Ça veut dire qu'on fait Rogue One l'année prochaine. Hein. Oh, avec plaisir. Mais oui. Oh putain, ça va être trop bien. Let's go. Faisons ça. On fera pas pour les séries. On fera que pour les films. Oui, évidemment. Et pourquoi pas les saisons 1 de Mandalorian ensemble pour les 10 ans. Non. Non, parce qu'on va être triste parce que c'était vachement mieux que les saisons d'après. Non, moi j'aime bien la 3. Je me demande, est-ce que... Ah non, c'est beaucoup trop, arrête. On regarde les 479 épisodes de Clone Wars. Là, allez. Tu te rends compte ? Dans 10 ans et demi, eh ben, on fera le commentaire audio de Mandalorian et Grogu. À la vache. Avec un peu de chance, ce sera un film qu'on adore. Mais en vrai, avec mon fils, on a revu le premier Iron Man. Il faut savoir que j'aime pas Iron Man en tant que personnage. En tout cas, c'est l'impression que j'avais depuis Endgame et tout ça. Dans ma tête, j'étais en mode... Enfin, même depuis avant Endgame. Hein. J'étais en mode, j'aime pas Iron Man. On a revu le premier Iron Man et c'est vachement solide en vrai. Et c'est pas autant une merde que dans les autres films, Tony. Et franchement, ça m'a donné beaucoup plus confiance en John Favreau pour le coup. Genre, je savais que je détestais pas ce qu'il faisait, mais là, je suis en mode, tu sais quoi? C'est logique que pour le relaunch de Star Wars au cinéma, il le donne au mec qui a fait le premier film, le premier succès, on va dire, du MCU au cinéma. Parce que c'était aussi une grosse pression. Iron Man 1. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est legit un bon film. Je trouve qu'il est hilarant, Jeff Bridges, dans le film. Je sais qu'il est pas censé être hilarant, mais je sais pas. Je le trouve incroyable. Ah, mais même dans Tron, je l'ai revu il y a pas longtemps, il est trop, trop, trop. En fait, c'est marrant parce qu'il est 200% dans le rôle. Genre, il est pas là pour faire la comédie, mais c'est drôle à voir. Et pas dans un sens où il joue mal ou quoi que ce soit, je sais pas. Il a cette aura... un peu goofy. J'ai jamais vu. Ouais, et pourtant, j'ai jamais vu, comment ça s'appelle, le film de tous les Jude Bro, là. Ah, The Big Lebowski. Ouais. Je comprends pas du tout pour comment c'est un film de Jude Bro, tu vois. C'est... Non, mais je l'ai jamais vu, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il est pas dans Star Wars, de toute façon, Jet Bridges. Oh, bon, allez, je propose qu'on termine là. Tiens, moi, je reste toujours jusqu'à la fin des crédits, je sais pas toi. Ah, purée, toujours. Hein. Adrien, il essaye de se barrer. J'ai envie de faire pipi. Oh, bon, alors, du coup, on va conclure ici. On vous fait des gros bisous, j'espère que vous avez aimé ça. Et du coup, on se retrouve l'année prochaine pour Rogue One. Oh, incroyable, pour fêter les 10 ans de Rogue One. Et ce sera les 10 ans de Rogue One. Ouais. Et aussi de la mort de Carrie Fisher, et du coup, on essaiera de faire un truc pour ça. Voilà. Je le dis maintenant. Oui. C'est passé tellement vite. C'est vrai que c'est passé super vite. Vous vous rendez compte ? Ouais. Quand on a vu The Force Awakens au cinéma pour la première fois, mon second fils n'était pas encore né, il était dans le ventre de Chucky. Wow, la vache. Incroyable. Il a ressenti Star Wars à travers le placenta. Bref, un mot de la fin. Bah, c'était trop bien et on a hâte de vous retrouver bientôt. Oui, toujours. Gros bisous, bisous, bisous. Il y a un gars qui s'appelle Juan Peralta, là, comme Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Bisous. Bisous. Bye. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Oh, Jabba! Oh, Jabba! Bye! Gauche, tu prendras mon bye à la fin pour dire au revoir. Je l'ai vu en décalé. Bah, du coup, j'arrête.